Le vent s'étire sur les eaux calmes. Le bayou murmure ses vieux psaumes. Rider Skiel lève la tête. Sur Twitch, les drops tombent en prière. Les lucioles dansent dans les racines plongent dans la boue épaisse. Chaque pas raconte une promesse. Rider Skiel marche, silhouette obstinée. Dans l'ombre danse, sa voix est portée. Les éclats des drops illuminent le noir. Sur Twitch, la foule répond. La guerre est lente mais la foi brûle. Chaque instant forge la lutte qui pullule. Les voix s'élèvent en un chant sacré. Le gospel guide dans l'obscurité. Les mains se tendent, les cœurs battent fort. Dans chaque drop, un nouveau décor. Rider Skiel veille, gardien de lumière. Sur Twitch, la foi devient prière. L'union s'écrit au creux des champs. Dans cette nuit, les âmes dansent. La rumeur court, le bayou gronde, Rider Skiel fend l'air, défie le monde. Chaque drop brille comme une étoile. Dans la nuit, il garde la toile. Sur Twitch, la foule est un feu ardent. Chaque note est un serment. Le combat continue sans relâche. Dans cette nuit, la rage s'attache. On reconstruit les ruines anciennes. Chaque larme devient une rengaine. La foi s'élève claire et profonde. Dans le gospel, la lumière abonde. Rider Skiel marche, guide des âmes. Le bayou chante, la nuit s'enflamme. Dans le silence, on entend son âme. Rider Skiel conduit les cœurs perdus vers l'aube claire des jours attendus. Les pas frappent la terre humide. Sur Twitch, la nuit est lucide. Chaque drop est un cri de vie. Dans ce combat, rien n'est fini. Les voix s'unissent dans la prière. Chaque note éclaire la lumière. Rider Skiel avance, prêt à lutter. Dans cette nuit, rien n'a cédé. La lumière perce la brume épaisse. Les âmes chantent leur allégresse. Sur Twitch, les drops sont étoiles. Chaque instant est une bataille. Le gospel monte puissant et vrai. Dans chaque voix, un cri de